Moi, je vous parle des lois. Au sens des lois, c'est de l'autorégulé, de la cybernétique. Bon, ça fait partie, si on prend les plans comme de la cybernétique, ben, voyez-vous, la gravité, oui, dès qu'il y a une forme dense, il y a des lois de conséquence à ça par rapport à sa masse et à sa densité. La gravité, c'est ça. Donc, c'est pareil pour toutes les lois. Je parle des vraies lois, là. Bon, c'est pas si compliqué que ça. L'affaire, c'est si si vous intellectualisez, vous réfléchissez, ça va être compliqué, alors que c'est simple, simple. C'est simple, ça sert même à rien de penser. Je finis par penser que la pensée, c'est une nuisance. Est-ce que la fusion esprit-âme aboutit à développer la multidimensionnalité ou la réduire? La multidimensionnalité, elle va être là, peu importe. L'affaire, c'est est-ce qu'il va y avoir une intégration de la conscience? C'est-à-dire, votre affaire fusion esprit-âme, il faut que ça se passe au niveau d'une lentille, que c'est l'ego. Parce qu'il ne peut pas avoir de conscience dans un plan incarné sans un ego. Donc, là, c'est comme quelque chose qui est opacifié. Là, il y a des lois, il faut que ça soit intégré par la conscience. Puis, ce n'est pas intégré comme apprendre du par cœur ou comme apprendre au sens intellectuel. Ça n'a rien à voir. Donc, bon, c'est des processus longs, c'est lourd, c'est plat, c'est bon.